Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François. Vous écoutez l'émission Le Terminus en direct sur les ondes de CISM 89.3. Le concept de l'émission est assez simple alors que je vous présenterai au courant de la prochaine heure du rock indépendant d'ici et de partout dans le monde. Par exemple, on aura aujourd'hui des nouveautés de Metagruo, de Pete and the Pirates, ainsi que des groupes originaires de l'Allemagne. En ouverture d'émission, vous entendiez le projet du réalisateur Vincent Blain, l'indice avec la chanson un peu triste des portraits de nous deux qui figurent sur son dernier album Le Bonheur, paru en décembre dernier. La mise en marché de cet album-là a été plutôt originale alors qu'il a été coupé en quatre parties avec lesquelles il y avait chaque fois un clip et des vidéos. N'avait confié et Géraldine ont aussi participé à la création de ce deuxième album de l'indice. On poursuit maintenant avec Passwords, dont le premier album homonyme se trouve cette semaine en 12e position du palmarès album de CISM. Originaire de Montréal, Passwords seront au festival Oshiaga cet été. Voici la chanson de Fire We've Made, The Passwords. Messieurs, dames, avec Partir, extrait d'un maxi de 6 chansons sorties en avril dernier. Messieurs, dames viennent du lac Saint-Jean, mais sont maintenant établis à Montréal. Juste avant de Baltimore, c'était Whitehawk avec Holy Holy. Whitehawk seront en ville avec Explosions in the Sky le 6 octobre prochain au Metropolis. C'est un spectacle à ne pas manquer. On poursuit maintenant avec deux groupes qui font de la musique en allemand. C'est pas un hasard si les deux sont de la ville de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, qui est considéré par plusieurs comme le berceau de l'indie rock allemand. Depuis le début des années 1990, on appelle également la ville le Hamburger Schule, l'école du rock de Hambourg. Tout d'abord, le groupe Mr. Magazine ou RN Magazine avec la chanson Der Langste Tag, qui veut dire la journée la plus longue. Mais on débute tout de suite avec 1000 Robota, un trio qui a été découvert via le site MySpace alors que les membres du groupe avaient seulement 17 et 18 ans. Ils ont sorti un album en 2010 teinté de beaucoup de maturité pour leur jeune âge. Mais la chanson que nous allons entendre figure sur leur premier album, Du nicht, er nicht, sei nicht, paru en 2008 sur l'étiquette Hambourgeois Tapete Records. Voici Mein Regen, qui signifie ma pluie en allemand, du groupe 1000 Robota sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. Deiner Verzweiflung war sogar dir zu lang. jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. Vous entendiez deux groupes rock originaires de la ville de Hambourg en Allemagne, 1000 Robota et RN Magazine. Comme vous le savez certainement, 2011 marque les 20 ans de la station CISM. Au mois de mars, CISM s'est payé pendant 2 semaines une programmation spéciale avec le retour de 20 émissions qui ont marqué son histoire, dont l'émission Indigo qui occupait jadis la case horaire du jeudi à 19h. Eh bien, les festivités se poursuivent la semaine prochaine avec le lancement d'un T-shirt spécial, résultat d'un concours lancé il y a quelques semaines. Le concept sera dévoilé dans exactement une semaine sur le site cism893.ca. Alors, soyez-y. On poursuit avec une chanson, plutôt une formation de Londres, Wet Paint, qui vient de faire paraître un album intitulé Who? Voici Hop Tight Casual, The Wet Paint. Uptight casual, satisfy themselves. Contours of the bones, take a hammer to the shell. Running at that palatial means. Hatching evil plans to suppress the need. How does it feel to be falling in? How does it feel to be all sunk in? I'm bringing you down, lighting me off. Early before it began, got the first vinyl and a broken hand. Good you think, keep things small. If you let them grow, they just pack up and go. I'm happy here to see you from above the ball and chain. I'm happy here to see you from above the ball and chain. I'm bringing you down. Vous écoutez l'émission Le Terminus, c'était Métagruau avec Feu de Poubelle que vous pouvez retrouver sur leur profil Bandcamp et qui partage la vedette avec une autre chanson appelée Jupiter sur un 7 pouces qui sera disponible le 27 mai. C'est demain ça. Avant Métagruau, le groupe Hors Condor nous parlait du vol du Condor. Vous pourrez les voir en spectacle à l'Escogriffe demain soir également. Poursuivons maintenant avec un autre groupe de Montréal qui s'appelle Montoir. La chanson que j'ai choisie ouvrait le lancement de leur premier album Laura en mars dernier et rappelle beaucoup la musique de Jesus and Mary Chain qui cite parmi leurs influences. Bien que l'album est assez varié, l'influence de la musique des années 1990 reste leur propre aveu quand même pas mal présente. Alors sur les ondes de CISM, on écoute Sahaf de Montoir. Yeah, I don't wanna know, I don't wanna know, I don't wanna know if you're out there looking out your pretty eyes. And if you're out there, then you're out there, you're looking out there without me. And I don't wanna know, I really don't really wanna know if you're out there. Yeah. she's at your feet. And I know boys being driven mad, wanting something they can't have. And yeah. sur les ondes de CISM, c'était Royaume des morts avec la chanson Sunday, Sunny Sunday, ce qui est contraire à ce qui se passe actuellement alors que c'est l'orage à l'extérieur. C'était précédé de Pete and the Parrots avec Coal Black Kitty, qui figure sur leur nouvel album sorti mardi dernier, que j'aime pas mal jusqu'à maintenant, et qui s'appelle 1000 Pictures. C'est déjà la fin de l'émission. Vous retrouverez la liste des chansons diffusées ce soir en vous rendant sur le cism893.ca, en passant par la section grille horaire ou bien la section émission qui se trouve dans la colonne de gauche sur le site. L'adresse courriel pour me rejoindre s'y trouve également. L'émission Rythmologie suit à l'instant jusqu'à 22h. Ensuite, ça sera 12 pouces dans le jazz jusqu'à minuit. On se quitte sur la musique de Mogwai de leur nouvel album Hardcore Will Never Die, But You Will. La chanson Rano Pano. Ici Jean-François. Passez une très bonne semaine sur les ondes de CISM. À bientôt. Préparez-vous pour le festival rock et heavy de l'été. Heavy MTL avec Kiss. Disturb. Motorhead. Godsmack. Billy Talent, Opeth, Anthrax et bienvenue les 23 et 24 juillet au Parc Jean-Drapeau. Billets en vente en ligne au evmtl.com ou au 514-790-2525. Une présentation Evenco en collaboration avec Jagermeister. The Black Keys, le 11 juillet au Centre Bell. Avec invité Cage the Elephant. En vente sur evenco.ca, à la billetterie du Centre Bell ou au 514-790-2525. Une présentation de Evenco et Live Nation. Ce lundi 30 mai dès 20h sur la patinoire du Café Campus, les Verts affrontent l'équipe des Bourgognes. Survivor. Ligue d'improvisation estivale. Ouverture des portes exceptionnellement à 19h30. Maître de jeu, Alexandre Mackenzie Fauché. Animation, Carl Poulin. Billets disponibles au Café Campus à seulement 2$. Tous les détails et calendrier des matchs au cafécampus.com. Survivor. Le Bistrot de Paris, c'est l'endroit où venir prendre un verre cet été. Au menu, les lundis hommage à Renault, les mardis DJ, les 5 à 7 chansonniers du vendredi, mais surtout, venez découvrir la scène musicale québécoise avec des prestations live tous les soirs du mercredi au samedi. Le Bistrot de Paris, l'endroit par excellence situé coin Saint-Denis-Mont-Royal pour déguster une grosse chope de Tremblay pour pas cher. Bistrot de Paris, 4536 Saint-Denis. Préparez-vous à la 12e édition de MUTEC, Festival de musique électronique et de créativité numérique. Du 1er au 5 juin, MUTEC réunit 150 des artistes les plus audacieux de la planète au cœur de Montréal. Amon Tobin, Plastic Man, Mod Selector, James Holden, Fortet et bien d'autres réjouiront vos oreilles durant 5 journées de prestations intérieures et extérieures. Participez aux événements gratuits, achetez un billet ou vivez l'expérience complète avec le passeport festival. Pour plus de détails, rendez-vous sur mutech.org. Architecture in Helsinki, en spectacle le 12 juin à la Tulipe, avec artistes invités, Hooray for Heart. Les billets sont en vente maintenant via evenco.ca et sur le réseau Admission. Une soirée où l'indie pop est à l'honneur avec Architecture in Helsinki, le 12 juin à la Tulipe. Une présentation de Evenco, Greenland, Blue Sky Stern Black et CISM. Tous les mardis, l'Abreuvoir présente les soirées Rock Avenue. Venez danser avec Bill Haley, Gene Vinson, Cal Perkins, Jerry Lee Lewis et le King lui-même, Elvis Presley. Aider à suivre leur pas, des cours de Rockabilly Jive vous sont offerts gratuitement par les danseurs professionnels de l'école Rock Avenue. Les mardis Rock Avenue, c'est à l'Abreuvoir que ça se passe, au 403 Ontario West. Evenco, Greenland Productions et CISM présentent Two Door Cinema Club avec Bombay Bicycle Club et The Lonely Forest le 16 septembre au Club Soda. Billets en vente maintenant à la billetterie du Club Soda par téléphone au 514-286-1010 ou achetez-les en ligne via evenco.ca. Un furieux mélange d'électropop et d'indie rock. Two Door Cinema Club, un spectacle à ne pas manquer le 16 septembre au Club Soda. Écoutez CISM 89,3 FM. Yeah. pièce majeure. Artiste qui semble être en voie de faire une grande marque dans la musique en 2011. Bienvenue à Rythmologie. Étienne Champagne avec vous. Andy Stott avec la pièce Dark Details. C'est paru sur un mini-album qui s'appelle Past.